Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional de l'édition du 8 juillet. On va ouvrir le bulletin de sport en parlant que Pierre-Alexandre Bédard, le golfeur de Chibougamau, a terminé au 7e rang récemment lors d'un tournoi qui se déroulait à Ottawa. Pierre-Alexandre Bédard a ramené une carte de plus 1. Il était en entrevue sur les ondes de danazosport.com hier et il s'est dit quand même déçu de sa performance. C'est sûr que c'est pas, j'ai pas joué de la golf que j'aurais espéré. Okay. J'ai pas mal joué nécessairement non plus. Là. J'ai joué ma game de golf quand même. J'ai eu un petit peu de malchance. Ce qui arrive parfois au golf. Je vais pratiquer encore cette semaine. Puis là, je me concentre pour le Duke Deakin. J'aimerais vraiment faire une bonne performance au Duke Deakin. Puis jouer du mieux. Et dans un autre ordre d'idée, il va participer au tournoi du Duke Deakin prochainement à Québec. Ça commence aujourd'hui. Et il vise rien de moins que la victoire. Écoute, c'est dur de toujours prédire une victoire. J'ai la victoire en tête pour le Duke Deakin, puisque ça fait 2 ans en ligne consécutif que je suis en même deuxième. Okay. Mais écoute, un top 3, c'est toujours une performance qui est très, très, très, très bonne. Non, je vais me concentrer sur ma game à moi. Écoute, il va y avoir des bons joueurs encore cette semaine. Ça va probablement gagner quand même assez bas. Les conditions vont être de relativement bonnes. Donc, les conditions devraient être bonnes pour performer. Donc, je m'attends que ça soit. Je m'attends bien joué, puis la game est bonne. Également, hier, dans la section de revue de danazosport.com, on a parlé avec le cycliste Victor Véro, qui a pris le 33e rang lors des championnats du monde junior qui se déroulaient en République tchèque. Et Victor Véro, ça n'aurait pas été de son accident ou son incident, aurait pu aller dans le top 25. Quoi qu'il en soit, il explique qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, ben là, comme. Moi, je suis parti sur la 6e ligne au départ. Okay. 43e. J'ai réussi à garder mon rang jusque la boucle. On avait une boucle de départ d'environ 2,5 km. C'est pour préparer le pack, là, parce qu'on était 100 coureurs. Fait que, bon, on peut pas rentrer dans le bois. Ben ouais. Puis, durant la boucle de départ, il y a comme une descente à une place, là, puis il y a deux, tu peux choisir deux lignes, là. C'est vraiment deux trajets différents. Okay. Puis, j'ai descendu là-dedans, le côté, peu importe, là. Puis, ma chaîne a débarqué en descendant. Puis, quand j'ai arrivé pour remonter, ben là, ma chaîne était rendue à terre. Okay. Ben, tu sais, elle a débarqué mon plateau en avant, fait que là, il a fallu que je remonte ça. Ben, il faut que je débarque, tu sais, j'ai une vitesse en avant, fait que il a fallu que je débarque dans mon vélo. Je remette ma chaîne. Puis là, j'ai été passé par environ peut-être 20 personnes. Là. Donc! Puis je me trouve. Et Victor Véro vise une très bonne performance lors des championnats canadiens qui vont se dérouler à Saint-Félicien très, très prochainement. Ouais, ben là, c'est sûr que ça va être un de mes points dans l'année que je vais vouloir performer. Si OK. Bien. Parce que je vais chez nous, puis en plus, c'est une Coupe Canada, fait que c'est quand même important. Ouais. Pour essayer de garder mon... Parce que là, présentement, j'étais 3e au niveau canadien, au classement cumulatif. Fait que si je fais une belle performance, je vais être capable de garder mon pointage. OK. On va parler de tennis. Il y a un jeune de Robertval qui va très, très bien sur la scène provinciale en tennis. Il s'appelle Michel-Alexandre Fortin. Et Michel-Alexandre Fortin était en tournoi à Waterloo au cours de la dernière semaine. Et il a gagné contre... Xavier Courchain en 2-7 de 5-7 et 6-7, mais il s'est incliné contre Gabriel Champoux, qui est le deuxième aspirant en 2-7 de 6-2, 6-3. On va essayer d'y parler au cours des prochains jours. Et je termine comme on le fait tous les jours. Il y avait des matchs de soccer qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, victoire en catégorie 14 féminine du FC Robertval 7-4 sur le Boreal d'Allemagne. Maintenant, à Saint-Félicien, victoire du Mistral 6-1 contre l'FC de Saint-Félicien, toujours dans la catégorie U14. Maintenant, à Robertval, victoire de 4-2 du FC de Saint-Félicien contre Robertval dans les U14 masculins. Je vous invite à écouter la section entrevue de danazosport.com. Hier, on a fait plusieurs entrevues. D'abord, on a parlé d'abord avec Dominique Carouette, la première chronique du club de golf de Boom-Sisney. Michel Lallemand vient nous parler de la semaine du club de golf de Chibougamau. Et également, vous pouvez entendre pour la première fois Victor Véro, un jeune espoir du cycliste en vélo de montagne. Il est de Saint-Félicien. Sport local et régional, à danazosport.com. On s'en occupe.